trouve l'eau, moi. Bon. Faudrait continuer la... Faudrait... La suite de la deuxième partie. Bon, de quoi on parlait? Qui était ça, là? C'est intéressant parce que la traque, on a oublié de quoi on parlait. Ah, Michel, il dit, ben, en regardant le dessin, je vais pas revenir. Ben, il dit, j'ai hâte de rentrer, mais aller regarder le dessin. Là, il s'assoit, il regarde la feuille est blanche. C'est effectivement très comique. Ouais. Oh, ça, je vais retrouver le canal, je vais me brancher là. Je sais de quoi je veux parler, mais si je suis pas connecté là... Est-ce que tu veux revenir sur le mensonge, finalement? Parce que tout... Toutes les dissonances, tout ça, là, cette affaire-là, c'est finalement, c'est un tissu de mensonges. Mais c'est pas ça, c'est que... c'est le terme tissu est plus approprié que souvent. Oui. C'est que ça fait... Ça nous occupe à autre chose, bon, c'est ça. Oui. Ça occupe l'humain à autre chose. Oui, mais ça occupe l'humain à autre chose parce que l'humain ne se rend pas compte que c'est uniquement pour lisser les perturbations qui sont créées dans l'astral par la descente de l'intelligence. Autrement dit, un extraterrestre arrive en plein milieu d'une tribu africaine. Bon, il arrive là avec sa soucoupe volante, il sort dehors, puis le monde lui dit « Quitte ». Ça veut dire « Bienvenue », mais en africain. Ah, il dit « Quitte ». Bon. Alors, l'extraterrestre, il n'est pas pour dire « Je suis un extraterrestre, puis je viens de l'étoile qui est là-bas, puis il va avoir plein de flèches. » Il faut qu'il leur dise quelque chose qui va aller avec ce que les indigènes ont besoin d'entendre. Les indigènes, ils ne diront pas « Quitté, bienvenue ». Ils vont dire « Je suis sûr que tu es le dieu machin chouette ». Si l'extraterrestre est moindrement réveillé, il va dire oui, absolument, absolument. Ou encore son oncle, son frère, une connaissance, son envoyé. Mais il ne faut pas qu'il lui dise non, je ne suis pas votre Dieu, je suis un visiteur de. Puis pour les indigènes, l'univers, c'est gros comme leur point. Chaque fois que l'intelligence est descendue dans le contexte planétaire, ça a créé des turbulences. C'est-tu ce qu'ils veulent entendre ou ce qu'ils peuvent entendre? Bon, c'est ce qu'ils peuvent entendre. Mais nécessairement, pour l'humain qui pense qu'il y a les barbites, c'est ce qu'il veut entendre. Bon, c'est la même chose. C'est une turbulence, là. Bon, une explication. Alors, ce qui est important de comprendre, donc, chaque fois que l'intelligence descend dans le contexte planétaire, elle crée un remous dans l'astralité, dans la mémoire qui est déjà là. Et l'intelligence, lorsqu'elle commence à être expérimentée de l'homme, elle va créer un remous qu'elle va essayer de contrôler pour que ce soit un remous pas trop turbulent. Ça parle. Alors, le Nazaréen va faire ça, je le fais, d'autres le font, d'autres vont le faire. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est ça. La problématique, c'est que chaque fois que l'intelligence dans le passé est descendue dans le contexte planétaire, les humains en ont fait une religion. Et aujourd'hui, l'intelligence, lorsqu'elle descend, elle ne veut pas engendrer de nouvelles religions émotives, des religions d'ego. Ça veut dire aussi que toute forme d'intervention extraterrestre reliée de l'intelligence, en réalité des interventions transtemporelles, ne veulent pas revenir dans l'historicité en créant des religions. Autrement dit, si dans le passé, présentement, lorsque l'intelligence intervient, elle engendre des religions, religions qui aujourd'hui ont des effets sur nous autres, c'est dans le passé. Puis progressivement, le passé va être lavé. Il n'y aura pas de religion d'engendrer des religions émotives dans le passé, parce que les religions émotives engendrées dans le passé par la visite de différents personnages, c'est ce qui engendre les guerres actuelles à travers, ce qui peut engendrer même la Troisième Guerre mondiale, l'Apocalypse. Bon. Alors, il faut dissoudre des religions, il faut laver le passé, le rendre plus propre. L'intervention transtemporelle, les intervenants ne veulent pas, dans le 20e siècle, 21e en s'en allant, risquer de réengendrer des religions suite à leur passage. Parce que tu passes, tu laisses une trace, puis finalement les individus se rappellent et religieusement, uniquement de la forme de ton passage, puis ils n'ont sûrement rien à faire de ton passage lui-même. Ça veut dire quoi? C'est pas une question d'ego. Ça veut dire que l'intervention transtemporelle n'a servi à rien. Ouais, une question d'intelligence, ça sert à rien de le faire. Donc ils ne le feront pas. Aujourd'hui, l'humain peut comprendre une panoplie de choses, sauf qu'à travers sa compréhension, parce qu'il y a dissonance cognitive, il essaye toujours de créer des explications. L'explication va engendrer l'illusion, le mensonge cosmique, mais l'explication engendre aussi le lissage des turbulences. Donc, ça stabilise l'humain. Et stabilisant l'humain, ça va l'aider à se centrer dans son intelligence. Centrer dans son intelligence, ça veut dire que moins il y a de turbulences, plus l'énergie descend librement. Plus c'est facile, mieux c'est. Mais pour être capable de comprendre qu'on n'a pas besoin d'explication, ça veut dire que l'humain devra comprendre, premièrement, qu'il devra être télépathe, et il devra devenir télépathe. La seule façon de communiquer sans dissonance cognitive ou sans explication, c'est la télépathie. Alors, on revient encore à la même chose. Pourquoi fais-tu ça? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Immédiatement, tu sais qu'il y a raison. Il n'y a pas d'explication là-dedans, il n'y a pas de récupération par dissonance cognitive. Lui, dans le peu de communication qu'il y a eu, tu te branches à son canal, tu sais automatiquement ce qu'il sait, tu évalues comme il évalue, c'est clair, c'est parfait. Bon. Ça, l'humain va en arriver là, mais l'humain doit comprendre que de toute façon, il devrait être télépathe. Puis être télépathe, c'est pas d'entendre l'autre te jaser dans ta tête. Écoute, passe pas dans le crayon. C'est pas ça qui se passe. À un moment donné, tu es télépathe, tu es là, puis tu dis, prends un crayon, ça va être mieux. Tu dis, exact. Puis tu continues. Bon, ça, c'est de la télépathie. C'est de l'instantanéité dans l'événement. Il n'y a pas de mémoire là-dedans. L'humain ne peut pas... La gestion de la vie humaine doit être une gestion off-sick. Ça veut dire quoi? À caractère off-sa. OFSA, ça veut dire Organisation du village scientifique de l'avenir. Bon, pour ceux qui ne savent pas. C'est extrêmement intéressant du point de vue des néotypes de prendre des situations événementielles pour en faire des mots qui vont contenir l'énergie de la forme. C'est clair. Je ne m'en pas de répéter, là, je suis instantané, je ne sais pas ce que j'ai dit. Mais je sais ce que je veux dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit « off-sick », c'est tout ce qui se rapporte à « off-sa ». Et tout ce qui se rapporte à la forme énergétique d'off-sa. Une société intelligente. Donc, si on parle d'un être humain qui devra vivre d'une façon « off-sick », ça ne veut pas dire qu'il doit vivre dans un village comme « off-sa ». Ça veut dire qu'il doit vivre avec une intelligence, une conscience énergétique qui lui permettrait d'être accueilli à cerveau ouvert, dans une structure comme OFSA. Mais qu'il y en ait, qu'il n'y en ait pas, c'est pas grave. L'individu qui vit d'une façon off-sick ou une discussion qui est off-sick, c'est une discussion qui nous amène à descendre de l'intelligence dans la forme qu'on appelle la parole, même si on ne la descend pas actuellement dans la forme qu'on appelle la matière. Ça n'empêchera pas un jour de matérialiser l'idée même d'OFSA. Mais ce que je veux dire, c'est que le terme off-sick est correct. Et ça ne fait pas référence à l'idée « je ne veux pas », lorsque je dis « off-ciser », « je ne veux pas que l'on pense que je dis qu'on doit créer off-ça ». On va se créer off-ça. Mais je dis que énergétiquement, on doit parler exactement comme si on avait la valeur énergétique au niveau de l'intelligence de ce que peut être une société communautaire comme off-ça. Bon. L'être humain doit faire quoi? D'une façon off-sick, l'humain doit être capable de comprendre que sa vie fait partie d'un événement, galactique. Donc, ce n'est pas un événement d'une heure, de deux heures, de trois heures. Sa vie, quand l'humain est inconscient des mécaniques du temps, il doit au minimum comprendre que sa vie fait partie de l'événement qui commence à sa naissance et qui se dirige à l'infini temporel vers l'avenir. Parce que ce que l'humain fait actuellement aura une incidence dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, 15000 ans, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de temps. Donc, quand je parle de votre vie, je parle d'un événement galactique qui commence à l'année zéro de votre existence actuelle et qui se termine à l'infini de votre existence actuelle. Quand l'humain comprend la gestion des mécaniques temporelles, il sait très bien qu'il existe une matière que l'humain appelle le passé, et que l'humain a des mémoires de ce passé. Donc, l'humain est capable de comprendre que la vie, l'an zéro de votre existence, l'infini du temps, et que votre événement est déterminé par les événements du passé, qui peuvent partir de l'an zéro de votre première apparition ou de l'an zéro de l'apparition mémorielle réincarnationnelle, l'infini, si on veut, en termes de dissolution du temps ou de resolution temporelle. Alors, on va parler, disons, de l'an zéro. On parlait de 15 milliards d'années. Ça veut dire que l'humain qui est plus conscient se rend compte qu'il vit ici, quelque part là-dedans, après l'an zéro de son existence. Il comprend qu'il vit en même temps actuellement en l'an 1000, en l'an moins 1000 de l'ère actuelle, en l'an moins 1002 de l'ère actuelle, en l'an moins 400 de l'ère actuelle, en l'an moins 2000, donc à l'époque du Nazaréen, presque, et que l'humain doit comprendre qu'il vit actuellement dans ce que la conscience planétaire appelle le passé, et qu'il vit actuellement dans l'an 1000, plus 1000 de l'ère actuelle, 2000, 3000, etc. Ça veut dire, et je l'ai expliqué dans la dernière conférence, que l'humain doit comprendre qu'il vit actuellement une seule vie. Une seule vie dans toutes les époques où sa présence est requise. Et pour un paquet de mécaniques sur lequel je ne reviendrai pas, que j'ai expliqué lors de la dernière conférence, puis qu'on a revu beaucoup plus amplement aux deux derniers soupers Genesis, l'être humain doit apprendre à gérer et il doit connaître les mécaniques qui vont lui permettre actuellement, là où il est réchauffé, de communiquer avec lui-même dans le passé pour changer le comportement de ses véhicules planétaires dans ce que l'humain appelle le passé, de façon à ce qu'il y ait immédiatement une conséquence positive dans ce qu'il vit maintenant. C'est essentiel. Pour comprendre donc ce qu'est la vie, ce n'est pas uniquement « je viens au monde, je meurs après quelques années, ça finit là ». Maintenant, on va regarder la vie dans un micro-système temporel qu'on va appeler votre naissance, la probabilité de votre mort. Donc, ce que l'humain appellerait sa vie actuellement. La vie de l'être humain, c'est quelque chose de différent de ce qu'on a connu avant, surtout en ce qui concerne les êtres conscients et les êtres du 20e siècle. Prenons un exemple par rapport à l'école. La vision de l'école au Québec est une vision moyenâgeuse ou une vision de pays sous-développé. Pourquoi? Parce que les humains ici, les jeunes comme les adultes, pensent encore que l'enfant doit aller à l'école s'il veut se trouver un emploi plus tard. Alors que l'école au Québec ne permet pas de trouver des emplois. Bon. Dans le passé ou dans les pays sous-développés, être diplômé, c'est améliorer son sort ou avoir un emploi. Au Québec, être diplômé, ça n'a rien à voir avec un emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devrait être capable maintenant, au niveau de la conscience, au niveau scolaire, parallèle avec ce que vous devriez devoir faire avec votre vie, le jeune doit comprendre qu'il doit aller à l'école au Québec, pas pour se trouver un emploi. Dans les pays sous-développés, c'est vrai. Au Moyen-Âge, c'était vrai. Là, 100 ans, c'était vrai. Aujourd'hui, c'est plus ça. Pas parce que l'école est mal faite, c'est plus ça. L'école, aujourd'hui, sert à le mettre à jour, historiquement, avec toutes les expériences, les découvertes et les connaissances de l'humanité depuis 30 000 ans en arrière, jusqu'à la fin du 20e siècle. L'école sert à prendre un enfant qui vient de naître, qui est rendu à 5-6 ans, puis elle sert à le mettre à jour avec le 21e siècle, pour en faire un être humain ajusté au Québec de l'an 2000. Pas se trouver une job. Bon. Votre vie, c'est la même chose. Une grande partie de votre vie doit servir au départ à vous mettre à jour avec le savoir et la connaissance du 20e siècle, début 21e siècle. Ça veut dire que l'humain doit continuer à s'instruire, donc même aller à l'école, lire des livres, etc., des techniques, des exercices fouillés. Le départ, c'est ça. Imaginez que moi, je prends un enfant ou un adulte de 300 ans en arrière, 800 ans en arrière, et je l'amène ici au 20e siècle. La première chose qu'il va vouloir faire, qu'il va me dire, il va me dire, écoute, j'ai 800 heures à rattraper, je vais aller à l'école. Il va aller lire, il va commencer à s'instruire, il va prendre 5, 10, 15, 20, 30, 40, 30, 40 ans, il a 800 ans à rattraper. Lui, il ne va pas à l'école pour se trouver un emploi. Tant mieux s'il y en a un, puis ça va l'aider à en trouver un. La vie, c'est la même chose. Le rôle fondamental des êtres qui se conscientisent, minimum au départ d'une vision, dans une vision off-cycle, c'est d'être capable de prendre l'historicité humaine, puis en quelques années, de se mettre à jour. Se mettre à jour ne veut pas dire croire le passé. Ça veut dire être au courant du passé. Être au courant de l'alphabet, savoir écrire. Être au courant des mathématiques, savoir compter. Être au courant de toutes les philosophies cosmogoniques du passé. Toutes non, mais de plusieurs. Pendant longtemps, on pensait qu'une immense tortue soutenait la Terre et qu'il y avait des éléphants. Qu'à un moment donné, c'était un bonhomme qui l'avait sur le dos, il s'appelait Atlas. Là, on disait, hey, c'est-tu niaiseux? Aujourd'hui, on pense que c'est les extraterrestres qui l'ont créé. Il faut comprendre que se mettre à jour avec l'historicité planétaire, ça va nous permettre d'acquérir suffisamment d'éléments pour être capable non seulement de se faire moins leurrer par les nouveautés, les néotypes qui sont essentiels au lissage des turbulences, mais pas à l'engendrement de vérité, de religion. Mais ça va aussi permettre aux cocos que vous êtes d'être capable de communiquer avec vous-même actuellement, mais dans un temps, dans une adresse temporelle différente qu'on appelle le passé, et connaissant immédiatement, autrement que par le contact coloré de l'astral. Ça reste un contact coloré, l'histoire. N'empêche qu'il y a eu des écrits. C'est plus près de ce que vous, dans le passé, pouvez comprendre. Alors, ça va vous permettre de plus facilement communiquer avec des personnes qui sont aujourd'hui présentes et qui vous aident ou vous nuisent, ou de communiquer avec vous-même dans d'autres adresses temporelles qu'on appelle le passé. La vie, au départ, ici, qu'on soit, quel que soit notre âge, votre prochaine vie, puis nos enfants, la première chose qu'on doit faire avec un être humain, nous autres, pour commencer, on est les plus importants, en tant qu'individu, après, ceux avec qui on vit, si c'est faisable, sinon, à un moment donné, il faudra penser à plus vivre avec ce monde-là, et avec les jeunes qui vont nous entourer, c'est de les mettre à jour avec le 20e siècle, 21e siècle, et les mettre à jour, vous mettre à jour, avec ce que vous savez, en plus de ce que vous connaissez. Bon. Maintenant, si on part du principe d'une vie intelligente, une vie off-cycle, dans une société intelligente, votre vie veut dire quoi? La vie sera nécessairement scindée, sera divisée. Il y aura nécessairement d'un côté, on parle du 20e siècle, il y aura le travail, j'en ai parlé tout à l'heure, et il y aura les loisirs. Les loisirs dans l'humanité actuelle sont divisés en plusieurs morceaux. Drogue, boisson, fête, oublie-moi, qu'est-ce qui se passe, distraction. Et un petit bout des loisirs de notre société s'appelle le repos. Dans une société intelligente, les loisirs sont légales de tout ce qui ne nécessite pas une gestion énergétique pour nous conserver sa planète. C'est des loisirs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'arranger pour s'alimenter, ce n'est pas un loisir, c'est un travail. S'arranger pour se sustenter au niveau de ce qu'on va boire, c'est un travail, boire. S'arranger pour se vêtir, se protéger physiquement. Tout ça, c'est du travail. Les loisirs, ça veut dire le repos. Ah oui, le repos, parce qu'ici, on a travaillé. Première chose dans un loisir, se reposer. Bon, on peut reposer le corps physique, on peut reposer le corps astral. On peut aller voir un film, on repose le corps astral, pas nécessairement le corps physique. Mais il y a des techniques pour reposer le corps physique. Il y a plusieurs techniques PMC, puis il y a d'autres techniques qu'on connaît à l'extérieur. Repos dans les loisirs. L'éducation, ben en réalité l'instruction, fait partie des loisirs. Ça ne fait pas partie du travail. Bon, jouer, alimentation des corps astraux par exemple, support biologique du corps physique, activité physique, pas du travail, des loisirs. L'éducation, l'instruction en fait partie. Bon, méditation, voyage astral, voyage séraphique, tout ça au complet, loisirs, discussion, loisirs, etc. On ne peut pas diviser la vie en deux, en autre chose qu'en deux parties. Ce qui nous oblige à mettre notre temps, notre énergie pour conserver les corps planétaires vivants, et tout le reste, c'est-à-dire. C'est-à-dire que maintenant que vous êtes vivant, alimenté, sécurisé, vêtu et correct, vous pouvez maintenant utiliser votre présence planétaire pour vous en sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si 80% de mon temps est passé, pas vrai, si 40% de mon temps est passé dans le travail, que 30% de mon temps est passé dans le repos, hein? 4, 5, 6, 7, 30% de mon temps sera passé dans les loisirs. Pour plusieurs personnes, hélas, c'est 60% de leur temps qui passe dans le travail, 20 à 30 dans le repos, la balance dans les loisirs. Puis dans les loisirs, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, c'est là qu'on fait comme l'humain fait au 20e siècle, hélas, l'humain qui a des problèmes, on se distrait. On a de la misère avec le temps qui nous est alloué ou qu'on se donne. On se distrait, on se drogue, on s'occupe, on se fait occuper, puis on commence à avoir des pensées bizarres qui passent dans notre tête. On déteste, on haït, on jalouse, on désire, on veut, bon, on a envie. On doit, dans une société, dans une image off-sique de l'intelligence, s'arranger pour diminuer au maximum le temps de travail, tout en conservant les acquis sociaux, tout en améliorant les acquis sociaux, augmenter le temps de loisirs. C'est un principe logique qui est difficilement compris ou compréhensible par l'animal humain. Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit avoir une philosophie qui fait en sorte que le travail, c'est pas une vie, les loisirs, c'est une autre vie, puis ton lit, c'est une vie, puis Acapulco, c'est une autre vie. C'est pas ça. On doit savoir que le travail est essentiel. Quand je parle de travail, c'est tout ce qui nous oblige à faire ce qu'on a besoin pour alimenter en vie nos corps planétaires et alimenter en confort, en sécurité, les véhicules planétaires. Ça, si on peut descendre ça à 20% de notre temps, il reste 80% pour les loisirs. Dans le 80% pour les loisirs, on va prendre un pourcentage pour le repos. Plus on va, moins on va travailler, moins on aura besoin de repos. Et dans les loisirs, il y a des loisirs qui sont reposants physiquement. Donc, on aura la possibilité d'avoir de plus en plus de temps pour l'instruction. L'instruction, ce n'est pas dans l'école. C'est parler entre nous. C'est jaser. C'est vivre. C'est voyager. C'est découvrir. C'est de regarder le ciel avec un appareil qui est intéressant. C'est de fouiller. C'est de vivre. Mais vivre avec un grand V qui inclut un peu celui-là. L'instruction, ce n'est pas donc pas juste de lire. Ensuite, il va y avoir l'application de l'instruction. C'est des loisirs. Ça peut être de jouer, ça peut être de créer, ça peut être de voyager, pas avec des avions, là, je parle avec des transports plus intéressants. Ça peut être de travailler à travers le temps, dans la matière, etc. Une société off-cycle va donc tendre à diminuer le plus vite possible et le plus rapide, le plus parfaitement possible, le temps consacré au travail. Donc, le principe est essentiellement à comprendre, plus il y a d'humains qui sont coordonnés dans la même direction, moins il y a de travail à accomplir, plus il y a de résultats au bout. C'est mathématique, c'est humain. Ça veut dire que quand une personne est tout seule pour faire ça, elle n'y arrivera jamais. Ah, peut-être ça gagne à la loterie. Bon. Il va lui manquer beaucoup d'énergie ailleurs. Et sans ça, qu'on n'hésite pas. Son 15, la masse critique n'est pas atteinte. Et encore une fois, je ne parle pas de spiritualité. Là. La personne qui dit, « Ah, moi, c'est mon loisir, cultiver mon champ. » Pas de problème. Et dans 40 ans, quand on va s'asseoir pour jaser, tu vas me parler de carottes. Puis de laitue. Moi, je vais te parler de pyramide de Khéops, puis de fin fond du Tibet, puis peut-être même de d'autres planètes. Chacun ses loisirs. Ce qui sert à engendrer la vie, à soutenir la vie, c'est le travail. Si de 15, vous amenez ça à 150 individus qui vivent en commun dans un endroit particulier et ils essaient d'être autarciques, d'être totalement autonomes sur tous les niveaux du point de vue de la vie, leur taux de travail va être énorme, sauf s'ils ont de l'autorité, de l'argent. Là, ils vont s'équiper de machines. La machine, elle est inventée par l'humain uniquement pour l'absoute du travail. Mais c'est pas compris encore par l'humain, parce que l'humain, plus il invente de machines, puis il veut conquérir de l'autorité, donc du pouvoir. Travaille tout le temps. À 1500 individus, s'ils sont bien équipés, à 150, on commence déjà à être prêt. À 300 individus, 350, là, on a un seuil critique qui est probablement atteint s'il y a un appui d'outils, donc d'instruments, de robots, d'intelligence artificielle, de machines. Ben, à 350 individus, on peut parler d'une vision off-cycle d'une société. On va diminuer le temps de travail pour augmenter le temps de loisir. Quand des individus me disent « Pourquoi on ne le fait pas tout de suite? » Il faut que vous compreniez que le plus grand problème de l'animal humain, c'est d'assumer sa solitude. Si le temps de travail diminue à 20% de votre temps quotidien, allez-vous être équipé pour affronter le 80% du temps où, théoriquement, on n'a pas besoin que vous soyez utile? C'est important ce que je vous dis là. L'humain a besoin d'être utile, sans ça, il ne s'aime pas. Il a l'impression qu'il ne vaut rien. Il va être utile. Alors, c'est un peu comme lui ici, il est rendu à 20%. Le reste de son temps, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben, il va aller aider quelqu'un d'autre, puis montrer comment il faut faire le ménage en maison, parce qu'il ne sait pas comment faire. Il veut se rendre utile. Il n'est pas en loisir, là. Il peut s'adonner à aider quelqu'un qui va lui demander. Il va être en loisir. Mais l'humain va s'arranger inconsciemment pour pirater toutes les tentatives. Les syndicats vont le faire. Le syndicat, c'est le plus grand tueur d'intelligence au niveau off-cycle. Pourquoi? Parce qu'on veut diminuer le temps qu'un employé va travailler. Il n'y en est pas question. Un être humain, pour un syndicaliste, c'est une machine. Tu l'utilises. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain aura de la difficulté à supporter le 80%. Si le 80% apparaît, parce qu'on a 350 individus ici, la première partie du loisir, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que l'humain va faire en loisir? Vous allez voir que l'humain va commencer à penser qu'il faut planter des petites fleurs autour de sa maison. C'est du loisir. Ça peut en être, ça peut ne pas en être. À un moment donné, plus loin, on pourra revenir, pour aujourd'hui, sur ce qui attend l'être humain du point de vue de sa conscience psychologique quand, à un moment donné, il va avoir moins de travail. Et pour avoir moins de travail, je le répète, c'est totalement inimaginable, impossible, à l'exception de rares exceptions. Puis là, prenez-vous pas toutes pour les exceptions. Bon. À l'exception des exceptions, vous ne pourrez pas diminuer votre temps de travail à un minimum impeccable tout en conservant ou en augmentant vos acquis matériels. Puis quand je parle d'acquis matériels, je ne parle pas de richesse ou de pouvoir. Je veux dire que vous allez manger comme votre corps a besoin de manger. Bon, et vous ne passerez pas vos journées à cultiver des tomates biologiques. Bon, vous allez pouvoir vous vêtir comme votre corps a besoin. Vous allez pouvoir faire les choses que vos corps ont besoin. D'une façon parfaite. Et l'intelligence, le corps supramental, a besoin d'esthétisme. Il ne peut pas arriver et s'installer n'importe où. Le 20% veut dire augmentation magistrale du contexte extérieur. avec diminution évidente du temps passé à l'orchestrer. Ça se fait avec des gens intelligents, avec un potentiel minimum de gens intelligents. Le temps loisir, c'est un temps qui est totalement différent. On en reparlera à un moment donné, c'est pas le temps-là. L'être humain va devoir apprendre à supporter de plus en plus les manipulations de pensée chez lui. Parce que la majorité ici, vous ne l'avez pas vécu. Plusieurs ont déjà vécu à travers, vivent présentement à travers l'historicité humaine, des situations un peu similaires où, tant que tu bâtis, la vie est belle. Quand tout est fini, tu donnes mes postes, tu dis, qu'est-ce qu'on peut bien améliorer là? L'humain cherche du travail. Et la problématique à cela, c'est qu'à un moment donné, on va se dire, écoute, si on faisait une grosse couture là, autour de... Hein? Si on aurait plus d'intimité. Fait que là, tu pars avec ton camion, avec tes chevaux, tu t'en vas 3 jours de ranch de là, tu fais ta grande culture, ça te prend 15 ans, de quand tu reviens, tu n'as pas ta culture, tu as 3 jours de là. Là, on a plus d'intimité. Bon. Et à un moment donné, quand tout est parfait, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fais la guerre aux voisins. Tu vas conquérir. Si on avait un puits de pétrole, si on avait toujours amélioré. Et la problématique, c'est que l'humain qui ne sait pas occuper son temps de loisir entre en décadence. C'est historiquement ce qui se passe actuellement. Dans tous les temps, les Romains sont présentement en décadence complète. Les Égyptiens sont en décadence complète. Les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais en décadence complète. Ils sont tous en décadence. Et les tribus africaines, il y en a eu des bonnes, des hautes en décadence. Les Mayas, présentement, sont en décadence. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont tout fait. Tout va bien. L'eau arrive jusqu'à la ville, la viande, tout est parfait. Aujourd'hui, c'est la même chose. On a la même décadence. Parce qu'on a la religion, parce qu'on a la psychologie, parce qu'on a les scientifiques, ça l'aide. Et c'est la même décadence. On s'occupe. On s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe. Dans plusieurs pays, ils font la guerre, et nous, on s'occupe. Puis regardez la société, elle se drogue, elle boit, elle niaise, elle se violente, elle s'agresse, elle s'engueule. Le s'engueuler, on se rapproche de vous. Elle se chicane, elle se jalouse, et bon, etc., etc. Uniquement parce qu'il y a du loisir. Assez qu'à un moment donné, un bonhomme brillant dit, « L'oisiveté est la mère de toutes les vices. » Donc, faites-les travailler, faites-les pas se reposer. Il faudra un jour plus travailler. Que ça, se reposer. Ça repose en paix. Reposer. Être en loisir. Société de loisir. Pas une société de loisir organisée. Si c'est une société de loisir organisée, vous êtes ça. Organisé. Tu sais, comme un camp de vacances. Là, un matin, à 10h, c'est des vacances qui commencent. À 10h, tu as 1 heure de tennis. À 11h, tu vas aller prendre un bain tourbillon. À 11h30, tu vas aller faire un petit peu de ceci. Tu te dînes à midi. C'est organisé. Et maudit, c'est plaisant. C'est pas ça. C'est une société de distraction, pas de loisirs. Mais présentement, on est encore pris là-dedans. C'est que on a un idéal, par exemple, on veut se bâtir. Si on veut construire quelque chose, ça pose un matériel. On veut arriver à tel résultat, à vivre telle chose. Puis un coup qu'on est là, comme tu dis, on profite pas. C'est ça, on profite pas de la vie. Mais non. Les gens profitent pas de la vie. Sais-tu comment on peut savoir si on profite de la vie? C'est que tu commences à te bâtir une maison. Là. Je vais vous expliquer ça, que bon, on peut vérifier si on profite de la vie. Pour faire une maison, tu fais un salage. Bon. Le salage est fait. Puis là, tu dis, c'est au bout. Mon salage est fini. On prend 3 semaines de vacances. Fait que là, tu peux camper sur ton salage. Tu peux aller voir les salages des autres. Aller parler salage, tu sais. Que ce soit, puis tu parles salage. 3 semaines, peut-être un peu long. Tu prends 1 semaine. 3-4 jours. Oh, bon. Et l'humain va dire, non, quand la cabale finit, je vais me reposer. C'est le problème. Fait qu'à un moment donné, tu fais les murs, disons, c'est un dôme. C'est plaisant. Un dôme géodésique. Tu fais les murs, tout ça complet. Et à un moment donné, ben là, c'est le temps. Un autre petit peu de temps. Tu prends des vacances. Vacances, ça veut dire que tu ne mettais pas en carte. Vacances. T'es pas là. T'es parti. Après une semaine, puis t'es après, ben là, tu reviens, puis là, tu fais tous les murs en dedans. Puis ça prend 2 ans à tout faire parce que tu as choisi un dôme au-delà de... Bon? De ben là, durée. Tu fais pas d'un coup, là. Et après ça, tu prends encore des journées. Simple, hein? Ça veut dire que régulièrement, à travers tout ce que l'humain doit créer, constituer, le peintre, il a une peinture, il peint, on va dire, parce qu'il peinture, il est qu'un rouleau. Il peint. Ah, c'est merveilleux. Au bout d'une heure, là, son petit cadran lui dit, arrête, une pause. Et le peintre, il dit, pourquoi tu te poses, je suis en pleine inspiration, là. Il doit arrêter. Là, il jette. Là, il est dans une société de loisirs, il est prêt à tout quoi. Il arrête. En plein milieu de l'inspiration, là, il s'en va faire une courbe merveilleuse, ça sonne, il arrête. Quand il va revenir, sa courbe, il l'aura plus. Ça sonne encore et ça va être différent, il ne se rappellera plus de rien. Ça va être aussi beau, aussi acceptable, totalement différent. Qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'aurait pas pris de pause? Sauf qu'en prenant des pauses, il vit. Ça, l'humain, ça ne met pas dans la caloche. Quel que soit le travail, c'est sûr que comme vous, là, vous allez me dire, oui, mais moi, au travail où je suis, là, si j'arrête aux 15 minutes ou 12 heures, parce que c'est mon rythme biologique, on va me faire envoyer. Ils vont vomir. Mais ce qui est important, c'est que ça revient à ce que je dis tout à l'heure. La seule façon que ce soit réellement applicable, c'est que les individus vivent dans un microcosme social où ils vont pouvoir le vivre. Ça n'est pas ça ton travail. Ton travail n'est pas une société officielle. Tu vas pas essayer ça là. Tu vas à la Romaine, vis à la Romaine. Tu vas à Venise, pète comme les Vénisiens. Tu ne fais pas différent. Bon, je chiale pas que ça pue dans les canaux, c'est les égouts. Mais j'aime bien que tu es plus court. Mais ça, c'est parce que... faut vivre comme ça parce qu'on sait très bien que quand la maison, le dôme sera fini de construire, il va y avoir un autre projet qui va arriver. Il entreprend l'autre projet parce que là, c'était un autre objectif. Ben, finalement, il n'y a pas eu de repos comme entre les deux. Comme un sol de maison. Oui. Un sol, il n'est jamais fini. Vous pouvez vivre en haut, là, puis c'est fini, c'est beau, là, c'est parfait, là. Le sol n'est pas fini. Là, travaille dans le sol. Quand le sol est fini, ben là, c'est dehors. C'est un petit bosquet là, puis c'est un petit bloc, un chemin comme ça, une petite plante là-bas. Puis finalement, quand tout ça c'est fini, ben là, il me semble, j'en repeinture un peu ça, ça fait des cartes de fenêtres. Et après 3, 4, 5 ans, ben, tu changes les cordes de fenêtre en mettant d'autres, tu changes le bain. Sur descendre dans la mer, moi, c'est une parfaite, elle. Je pense que quand je vois là, l'un bain différent à chaque fois, c'est peinturé différent. C'est beau, c'est toujours beau. À se demander pourquoi elle change tout le temps, c'est toujours beau. Et c'est beau. Quand tu reviens, c'est beau. C'est différent, mais c'est beau. Tu retournes 3, 4 mois après, c'est encore beau. C'est tout ça, mais c'est beau. Les fleurs ont changé de place. Ben, il y a des changements, il n'y a pas de changement. Non, il y a du changement, mais c'est toujours ça. L'humain ne sait pas vivre. Ça veut dire n'importe quoi que tu vas faire. Tu es en train d'écrire un livre, il faut que tu arrêtes à certains laps de temps. Pareil. En plein milieu d'une lettre, pareil. Mais là, c'est parce qu'il y en a qui m'ont dit « Oui, mais je suis pas bien. Je serai pas bien. Là. Ça va me fatiguer si j'arrête. » Exact. C'est ça. Là, je vais pas enseigner qu'à ça. Fait que tu viens de le finir, puis ça va être fini. Ah oui, fini là. Mais moi, je reste pas quoi. Je sais qu'il y en a qui vont dire ça. Je te dis, l'humain n'est pas prêt à une société de loisirs. Mais l'intelligence amène l'humain à une société de loisirs. Loisirs, là, c'est d'avoir le loisir de faire d'autres choses. Hmm. C'est pas une société de distraction. C'est pas une société de loisirs organisés. C'est une société de temps donné à l'homme. C'est pas pour la chasse. C'est pas pour le vêtement. C'est pas pour ta protection. C'est pas pour ton habitation. C'est du temps pour d'autres choses. Alors moi, c'est pas l'habitation, moi je peinture, c'est rien parce que je veux que c'est plus beau. C'est pas ça. Et une raison intelligente, c'est qu'on finalement, c'est qu'à travailler de même, on use le physiquement, matériellement, on use le corps. Ton temps. En plus, c'est pas long. La maison que tu t'es bâtie, là, là, peut-être 2-3 ans, OK? Puis qui présentement là, est en train de brûler, là. mais d'un autre temps, là, je parle. Mm-hmm. Bon. Mais franchement, va donc te dire là, de cesser de la bâtir, à brûler avec Christ. Oui, mais là, ce qu'ils vont te dire, ce que je te dirais dans ce temps-là, c'est oui, mais là, je prédis pas l'avenir, mais habituellement, quand on bâtit, il brûle pas. C'est ça. Mais moi, tout ce que je te dis, c'est que tu as fini un an, deux ans avant. C'est sûr, l'hiver, ben non, mais l'hiver s'en vient, fait ton toit. C'est une question de vie. Oui, mais ce que... Mais l'humain, ce qu'il doit comprendre, moi, ce que je veux dire simplement, c'est que... si j'ai fini plus vite, je vais pouvoir rester plus longtemps dedans avant qu'elle brûle. C'est ça. Tu vas souffrir un peu plus après de l'ennui de ta maison. Tu as resté 6 mois, tu n'ennuies pas trop. Tu as resté 6 ans, tu n'ennuies pas plus. Il n'y a rien... Bon, sache une chose. Très important pour l'être conscient. Ça ne marche pas pour tout le monde. Ça marche pour les conscients. Ça va marcher pour tout le monde un jour. C'est que vous ne serez jamais en retard. Claire. Vous ne serez jamais en retard, sauf si vous niaisez. Ça, c'est une base fondamentale de la gestion du temps de l'être nouveau. Tu ne seras jamais, jamais, jamais en retard, sauf si tu niaises. Puis niaiser, c'est quoi? Niaiser, c'est quoi? Niaiser, ça veut dire, par exemple, que tu commences ton sous-sol, puis à toutes les... Tu fais un mur, tu prends une journée de vacances, tu arrêtes tout. Niaiser, ça va être... Oh, pas le goût, là, ça fait que je recommence, oh, j'ai pas le goût, là, fais pas le mur, c'est pas grave, le mur. Tu vas rester dans une maison tout croche, toute ta vie ou presque, mais là, tu es en retard toute ta vie, tout le temps, pas dans 5 ans. C'est de la gestion, donc, c'est gérer ta vie. Tu arrives, vous prendre l'autobus s'en va, tu manques ton coup. Ouais, tu es en retard au bureau, tu n'es pas en retard dans ta vie. Bureau, rien à voir, c'est un événement très localisé qui ne comprend rien. Bon, toi, tu n'es pas en retard, l'autobus est parti. Relax! Tu n'es pas en retard. Au niveau de ta vie, tu ne l'es pas. Puis quand tu vas arriver là, tu vas poinçonner peut-être une demi-heure en retard sur le temps compagnie. Tu n'es pas en retard. Si tu te stresses, etc., là, tu niaises, tu es en retard dans ta vie. Pourquoi? Tu ne comprends pas plus que rien. Tu es en retard pareil au bureau. Si tu cours, tu sais, il y a paquet de petites choses comme ça que l'humain doit comprendre. On n'est pas en retard dans rien. Tu sais, comme je dis souvent, les aubaines, il y en aura tout le temps. Ah là, je suis pas cher, là, il faudra plus mes comptes. Non! À un moment donné, des gens qui me disaient, ils vendent une terre, c'est un peu plus gros que la ville de Saint-Eustache, c'est juste de la montagne avec des lacs. Ils vendent ça 500 000. C'est pas beaucoup. Bon, 500 000, tu l'achètes, puis c'est 250 000 qui vendent ça, excuse. Tu achètes ça 250 000, tu coupes la terre en deux, puis tu vends le reste, 250 000. Puis tu as tout ça complet, la moitié de Saint-Eustache pour rien, une terre en forêt. Là, les gens, il y en a plusieurs à l'époque qui se pressaient, là, ils vieillent, ça, c'est un aubaine, il n'y en aura jamais des comme ça. Il y en aura toujours des aubaines. L'humain, là, oui, mais on aurait dû faire cela. On n'est pas en retard si on n'y est pas. Ça veut dire que le peintre, là, il peint, à un moment donné, ben là, c'est le temps d'arrêter. Il arrête. Oui, mais ma toile, il faut que je la finisse pour avoir être finie. Si elle n'est pas finie, de toute façon, si tu as retrouvé comme un bon, elle n'aurait pas été plus finie. Il n'y a rien pour te le prouver, mais moi, je te le dis. Une chose certaine, il faut que l'humain l'essaye. De toute façon, l'humain, il se brûle, l'humain, il se tue. Sa Christie toile qui est finie à temps, il l'a exposée, c'est la seule qui n'est pas vendue. De toute façon, l'humain se fait ramasser. Non, je prends l'exemple d'Ofsa, par exemple. Tu commences à faire le village, puis là, tu bâtis quelque chose, là. Là, après l'avoir bâti, on savait que ça aurait été mieux 10 pieds à côté, pour n'importe quelle raison. Mais finalement, ce qu'on ne sait pas, c'est l'expérience. On n'a pas vécu le bâti 10 pieds à côté, on aurait bien eu 10 fois plus. Mais ça, c'est rationalisé. C'est une relation en face de la dissonance cognitive entre ai-je bien fait ou pas bien fait. Oui. Ça rend plus laminaire l'énergie qui, normalement, serait en turbulence. C'est correct. Mais c'est pas plus. Ça ne change rien, de toute façon. Non. Tu le bâtis là, fini là. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dans une structure comme Ofsa, puis une structure comme sa vie, on est trop pressé. Ça ne sert à rien. Une grande partie de ta maturation vers l'ascension, c'est dans la période de loisir. Pas la période de distraction, la période de loisir. Et si on prend l'idée d'Ofsa, par exemple, une fois qu'on a fait toutes les dômes, oh, mais là, on va faire les parterres tout de suite. Ça ne va pas être par terre tout de suite. Dans 2 ans, on fera être par terre. Non. Ah, mais là, ça n'a pas de sens, c'est laid, puis c'est, on n'a rien à foutre. Mais là, ce qui va arriver, c'est que si, si c'est l'animal humain qui rentre dans une structure comme ça, avec toute l'information que l'intelligence va lui amener de ce qui va se faire dans l'avenir, que lui va comprendre que ce qu'il doit faire tout de suite, il va travailler 100% de son temps, bien, 60-70% de son temps, le reste est du repos. L'homme, actuellement, l'homme, la femme, qui a de la difficulté à comprendre que tu travailles une partie de temps, t'arrêtes après, t'amènes pas de travail chez toi le soir, t'amènes pas si t'amènes pas ça, des exceptions quand ça donne, mais c'est pas un principe, que tout va être à l'heure. Le comptable qui est fini à 4 heures, ben, il est fini à 4 heures. Humainement parlant, s'il y a un client qui l'appelle, il peut jouer avec le client, il peut rencontrer le client, c'est une affaire humaine. Mais c'est que lui, il se dit pas, ah non, j'ai bien trop de travail, il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je continue, il faut que je continue. Il est totalement pas organisé dans une structure pour devenir intelligent. Un, il n'y a pas les bons clients, les clients qui ne payent pas assez, qui donnent beaucoup de travail. Et rien ne va changer si lui, il ne change pas. Puis lui, changer, ça veut dire qu'il finit là. À un moment donné, il y a des clients qui sont pressants, il va clairer des clients. Mais moi, je vais avoir une petite paye. C'est en train de vivre dans l'harmonique de l'ère nouvelle. C'est en train de vivre d'une façon off-sick. À un moment donné, il y a un client qui va se pointer, qui va être le bon. Tu vas changer d'emploi, on t'engage, il va se passer ce qu'il faut. Mais tant que tu n'es pas disponible à ce qu'il faut, il ne se passera pas à ce qu'il faut. La théorie piscienne qui dit, quand ça... Ben moi, j'attends, là, moi, je suis le même, tu sais, mais du moment que moi, je change de place, là, je vais pouvoir m'améliorer. Alors là, il faut que je travaille beaucoup, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Et si un jour, j'ai un peu plus d'argent, ben, là, je vais ralentir un peu. Ils ralentissent jamais. Moi, je fume, mais si je suis dans une société de paix et belle, je ne fumerai plus. C'est faux. Il va fumer autant. Alors, l'humain doit vivre immédiatement off ça, au niveau de sa structure, de sa gestion, de sa compréhension. Puis l'humain doit comprendre que s'il ne crée pas d'alliance, s'il ne s'associe pas à un moment donné, pas juste par la parole, c'est pas encore tout à fait le temps, je le sais. Il y a du monde qui vont venir, des choses qui vont se faire. Chaque fois que quelqu'un est pressé, c'est quelqu'un qui ne comprend pas le système de la société loisée. Et puis, la faisabilité de ça, je parle pas du dans le temps, là. Je parle de le faire. Si je ne veux pas savoir c'est quand, là. C'est parce que c'est plutôt dans ma question, c'est plutôt dans le sens de la réussite ou de l'échec. Mais c'est pas les bons mots, là, mais ce qu'on va prendre ces mots-là. C'est que ça soit correct, que ça soit viable ou pas viable. Donner un exemple. Si par exemple, pour arriver à, parce que moi ce que je vois, c'est pour arriver à mettre ça sur pied, c'est bon, ça prend de l'argent, ça c'est certain. C'est prendre de l'argent et puis aller chercher de l'argent dans les gens qui t'entourent, dans les gens qui sont dans la solution, ça. Non, mais non, c'est ça. Puis là, je suis en dissonance là-dedans. C'est que ce que je sais, c'est que pour que ça fonctionne, il faut que tous les gens embarquent de façon égale et puis que vous comprennent tout comme moi je comprends, comme celui qui part le projet comprend. Et puis si l'autre est obligé de les meneurs de ce projet-là sont obligés de sécuriser. Mais c'est oui, mais. Il y a des coordonnateurs. Bon, les, s'il y a des meneurs, donc il faut que sécurise le projet. Ben, c'est ça, là. Absolument pas viable. Parce qu'il faut sécuriser des gens qui sont là, parce qu'on sait que c'est ça peut être insécurisant. Parce que moi, je ne te parle pas de ce qu'il faut faire, je te parle de ce qui existe ailleurs dans le temps. Mm-hmm. Et moi, ce que je te dis simplement, c'est que on va de toute façon y aller. Tant qu'à y aller, le temps est toujours en mouvement. Si tu es en 1900 ou en l'an 2000, ouais, ça n'a rien à voir. Le comment, c'est pas important, c'est ça. C'est ce qui est vécu, c'est plutôt que... Puis au niveau off-cycle, l'humain va améliorer énormément sa structure de vie s'il est capable de comprendre, un, la mécanique des dissonances, qui va rendre la minère, les turbulences autour de lui. Fait que toute forme d'explication est correcte. Mais effectivement, je te dis, ça, c'est... Il faut que tu fasses ça parce que sans ça, il y a des baleines bleues dans l'océan qui vont mourir. L'explication, je t'amène, n'est pas à la hauteur de ton intelligence. Donc, ça passe pas. Fait que nécessairement, les explications que les gens vont donner ou que les gens vont accepter, ce sont des explications à la hauteur de leur intelligence. L'important, c'est de comprendre qu'à travers l'ère nouvelle, l'humain va vivre avec... Il va accepter les explications Au même titre qu'il accepte des aliments comme la pomme, comme ce qu'il mange. C'est pas la pomme, tu ne fais pas 150 steppettes en avant pour la remercier de t'alimenter, de te sauver la vie. Mais tu t'en sers. Bon, ben, les explications, c'est la même chose. Tabarnouche, merci de me dire ça, et là, ça me rassure. Bon, on ne spiritualisera pas les explications. Il ne faut pas les émotiviser ou les conceptualiser en ce sens qu'on pense que c'est ça. Une explication est un aliment qui va nourrir la périphérie du corps astral pour éliminer les turbulences. Quand les turbulences sont rendues laminaires, l'intelligence travaille et circule beaucoup mieux. L'individu est correct. Et l'individu, il ne se dit pas, ouais, mais cette explication-là, là, finalement, c'est pas vrai. C'est une dissonance cognitive. Il faut qu'on y en donne une autre. L'humain, il n'échappera pas pour l'instant. Mais ce que l'humain doit comprendre, c'est que tout ça fait partie d'une mécanique qui permet de créer un échafaud pour tenir le canal de l'intelligence debout. Ça ne fait pas partie de la réalité. Autrement dit, quand l'humain se dit, « Ouais, mais selon ce que Dieu t'a dit, l'univers n'existait pas, donc on n'est pas là. » Tu pars à partir d'une explication, puis tu t'engendres une dissonance. Ta question ne tient pas debout. Si tu comprends que les explications sont des mécaniques laminaires de turbulence créées par la descente de l'intelligence. Donc, l'univers, on n'a rien à foutre. Puis quand, à un moment donné, à travers la descente de l'intelligence, une turbulence qui dit à quoi sert l'univers, bien là, on t'a amené une explication qui va diminuer la dissonance cognitive, donc qui va rendre laminaire la turbulence qui est autour de ton canal, là, c'est correct. Mais tu n'essayes pas après ça, égoïquement ou mentalement, de prendre l'explication et de créer une dissonance avec. Mais si par exemple, moi je dis à quelqu'un qui est sur la rue, je te dis à toi par exemple, tu vis actuellement dans plusieurs temps. Ouais, prouve-moi donc ça, que tu vis dans d'autres temps. Je vais simplement rajouter des explications, mais la première que j'ai donnée était parfaite. Mais égoïquement, tu veux te créer des dissonances. Égoïquement, tu veux me créer des dissonances. Ça fait partie de la ridiculosité de l'humain. Alors, quand on entre dans une société à caractère of ça, bien, l'humain doit comprendre que le phénomène explicatif est un phénomène alimentaire qui va calmer les turbulences autour, mais qui ne procède pas de la réalité. Quelle que soit l'explication que l'humain va donner, elle est extraordinairement utile, utilisable à un degré X, Y, Z, en fonction de la capacité d'intelligencer cérébralement le contact, mais c'est une explication qui rend laminaire une turbulence. Ça ne procède pas de l'instantanéité. On ne peut pas, à travers des mots qui s'écoulent dans le temps, donner une juste valeur de la réalité qui, elle, est instantanée. Il faut le comprendre. Ça veut dire que quelles que soient les explications qui sont données, les explications sont une philosophie of psych qui servent uniquement à rendre laminaires les perturbations astrales autour des êtres humains en ascension. Ça sert à ça l'explication. C'est essentiel. On n'en fait pas, c'est rien d'autre. C'est simplement une structure astrale laminaire qu'on crée autour des êtres en ascension. Quand l'humain est capable de vivre ça, l'humain est capable d'entrer dans une stratégie of psych. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on réussira pas? C'est déjà là. L'humain peut passer à côté dans un canal temporel, il peut passer à côté dans un autre canal temporel, il peut arriver directement dedans. Il y a des façons d'arriver directement dedans. Là, les explications, on peut... Bon, il y a deux façons. C'est qu'on peut se donner des explications à soi-même. Moi, je me parle tout seul, puis je m'explique des affaires. Je me rationalise ça. Ou bien, en discussion avec d'autres personnes. Oui. Là, bon, parce que je veux faire une boucle là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être dit pour, finalement, là, un résumé de ce que tu dis aujourd'hui, c'est que, parce que c'est la même chose. Seul ou avec d'autres, c'est la même chose. On justifie des affaires, on s'explique quelque chose. Mais là, on sait que c'est pas ce qu'il faut. Bon, c'est ça qu'on fait, mais c'est pas correct. C'est pas que c'est pas correct, là, mais... C'est parfait de le faire. Mais c'est pas ce qu'il faut faire, mais... C'est ce qu'il faut faire actuellement. Et le danger, c'est quand l'ego met plus d'attrait dans le laminage que dans le contact. Ben, ce qu'il faudrait... Ce que je veux... Si, par exemple, on parle, nous deux, Et puis là, on se rend compte qu'on est en train de justifier quelque chose. Des actions ou des... Okay, des... D'expliquer ou de justifier? D'expliquer. OK, justifier, c'est que l'ego a besoin d'explication pour avoir du pouvoir. Et expliquer, ben, c'est pour l'éliminer. Ça peut être les deux, là. Mais, il y a une différence un peu qu'on peut appeler. Bon, mais mettons, c'est justifié, on s'en rend compte, là, on se dit sa place. Là, on explique. OK. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que les deux affaires vont arriver en même temps. Justifier, c'est que j'ai raison. Bon, c'est ça. Là, on place ça. Que, là, on place les égaux. Là, finalement, on continue la même discussion, mais de façon différente. Là, on explique. Là, ça va être de se dire, est-ce que tu es d'accord pour dire que, moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait qu'on se dise, qu'on prenne conscience qu'on est en train d'expliquer l'affaire. Qu'on n'aurait pas nécessairement besoin, mais présentement... Rendu à un niveau, mais là, juste en disant ça, t'expliques encore. Oui. Mais rendu à un niveau, ça va être évident. Mais ce que je veux pas dire qu'il faut arrêter d'expliquer. Mais non, c'est ça. Mais... Rendu à un niveau, c'est évident que les gens vont s'en rendre compte, qu'ils expliquent, pour laminer, puis qu'ils sont capables maintenant de contrôler suffisamment la descente d'énergie supplémentaire pour détruire les remous, sans avoir à expliquer. Progressivement, l'être nouveau va être capable de ne pas expliquer, parce qu'à l'instant où ça va descendre, il n'y aura plus de remous. Mais tant qu'il y a des remous, il y aura des dissonances cognitives au niveau de l'ego. Parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est la même chose qu'un travail de discussion avec d'autres personnes. C'est pour régler les égos, par exemple. Mais là, c'est plus un autre niveau. Je vois ça plus haut que ça. Mais c'est la même mécanique. C'est que si, par exemple, on communique, nos égos sont là, là, on se dit, ça atténue les affaires, ça fait qu'on peut continuer à rester assis ici, puis on se parle pareil. On s'en va pas chacun chez nous. Là, dans un autre but, c'est que on va... C'est la communauté, tu sais. Oui, mais c'est pour chacun dans son coin. Dans son rond, d'un don. Un dans le cave, un en haut. Écoute... Ben c'est ça, c'est qu'il faut... OK, c'est ça, il faut... Non, ce que je veux savoir, est-ce que c'est nécessaire, est-ce que c'est utile qu'on se dise, qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de faire? Il n'y a pas de technique là-dedans. Si les gens prennent conscience, ils vont le dire, si ils prennent pas conscience, ils ne le diront pas. L'important, c'est qu'on continue, c'est tout. Puis, Oui, l'important, c'est que lui-même ne... Il faut que l'être humain, à un moment donné, parvienne... Pas un jeu. Il va y arriver. Vous allez finir par arriver à un moment donné, à un niveau où les questions qui vont être posées, les nouvelles dissonances cognitives qui vont engendrer les questions, ne seront pas sous-tendues par l'explication que vous avez déjà eue d'un phénomène. Autrement dit, il ne dira pas un beau jour. Tu sais, la réincarnation, là, si on arrive de telle façon, là, est-ce qu'on peut faire telle chose? Là, ta question est sous-tendue par une explication que tu as déjà eue. Donc, tu considères l'explication comme étant une parcelle de l'absolu. L'explication est uniquement un laminage. Oui, oui, oui. OK? Oui. Et là, tu vas arriver à un moment donné, tu vas dire, « Hey, y a-tu moyen de faire telle chose? » Fait qu'on oublie, pas, oui. Et si on se réincarne, ou vu qu'on se réincarne, tu es rendu dans la nouvelle. Parce qu'on pourrait... poser des questions neuves qui partent de l'instantané, qui partent de maintenant là, aller vers en avant. Poser des questions neuves. Y a-t-il moyen de faire telle chose? Tu peux prendre des mots de ce que tu connais. Dans un transport séraphique, y a-t-il moyen de bifurquer 90 degrés d'un coup puis rentrer dans une autre salle? Tu dis pas, tu sais, tu as déjà dit, ou encore, en fonction des lois que, c'est pas ça. Là. La question va être totalement neuve. C'est le principe même des génies. Étant donné que la réincarnation n'existe pas, la prochaine conférence, on va être sûr. On pourrait, j'expliquerai des choses. Si non, mais il ne faudrait même pas dire, étant donné qu'il n'existe pas, parce que c'est ta partie. C'est la même chose. J'ai compris. On pourrait s'amuser. C'est de l'amusement. Donc, il faut être capable de comprendre que les explications sont essentielles et font partie d'une alimentation au niveau du périphérique du corps astral, et que chaque fois que l'intelligence descend à travers l'humain ou l'humanité, il y a des remous et des perturbations. Et que l'explication est une tentative d'éliminer la dissonance cognitive par laminage de la perturbation, donc rendre ça beaucoup plus lisse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain n'en sortira pas tant qu'il n'aura pas la capacité dans l'intelligence de se regrouper pour atterrir l'intelligence d'une façon plus pluralitaire, plusieurs personnes. Chaque individu qui pense encore s'en sortir seul est un individu qui va s'en sortir seul de ce vie-ci, c'est-à-dire qu'il va mourir seul, mais qui va venir de toute façon. C'est extrêmement important que l'humain se groupe. La problématique, c'est que l'humain ne doit pas se grouper astralement, spirituellement. Autrement dit, à un moment donné... Ça presse pas. C'est pas ça, c'est que d'un coup, tu reçois 25 lettres à l'académie, là. « Ah, oh, moi, je suis prêt, moi, je suis prêt, moi, je suis prêt, j'ai envoyé un chèque à 5 piastres. » C'est pas ça. Il faut que dans la tête de tout le monde, progressivement, atterrisse l'intelligence de ce que j'ai dit aujourd'hui, l'intelligence de l'importance d'être capable de s'associer du point de vue d'intelligence. Il faut que ce soit clair. Puis quand ça c'est clair, clair, clair vivant, hein, pas clair prénom, encore que, il y en a qui récupèrent tout. Quand c'est certain... C'est pas son nom de famille. C'est certain Dubois aussi. Il est clair du bois, c'est clair le chemin. Quand c'est vivant, vibrant chez les individus, il va y avoir de l'impatience d'engendrer des choses comme ça. Il faut que ces individus-là soient capables de penser de plus en plus à... Pas de penser, de vivre de plus en plus comme s'ils vivaient, comme s'ils étaient le représentant d'un village comme ça. Donc on amène une chose qui est facile à comprendre du point de vue d'ego. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es à l'extérieur, tu vis comme si c'était un représentant du village of sort, un représentant incognito. Ah, oh, il n'est pas venu me faire ça, parce que moi, j'ai un village of sort. Un représentant incognito. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme à Noël, vous décidez, par exemple, de donner tel cadeau à certaines personnes, vous ne vous rationalisez pas pourquoi vous donnez des cadeaux. Un être humain d'off ça, il va le faire parce que c'est ça qu'il sait qu'il doit faire, etc. Vous allez sur l'autoroute, à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait du pouce, vous décidez de l'arrêter. Là, en dedans, vous vous excusez pas, vous vous rationalisez pas, vous vous expliquez pas. Vivre comme une personne qui serait la résultante naturelle d'un village of ça, ça se vit déjà à l'extérieur. Puis ça fait quoi? Ça fait que ça attire toutes les structures pour permettre la création d'une mécanique comme ça. Voilà. On ne dissonne pas l'explication, c'est extrêmement important. Tout ce que vous avez appris jusqu'à date est vrai. Et un jour, vous aurez des explications plus vraies. C'est vrai. Non, mais c'est ça. Quand je repensais à ça, t'es-tu rendu compte que... Dans un X nombre d'années, tu seras considéré comme Moïse. Parce que Moïse, aujourd'hui, son rencontre... Je vais expliquer avant. Non, je vais expliquer avant. C'est parce que tout à l'heure, je pensais à ça. Je dis, si on rencontrerait Moïse aujourd'hui, peut-être bien qu'on le trouverait un peu arriéré. Moi, non. Puis, je trouvais qu'il était très adapté pour son temps. Non, mais c'est ça. Non, on le verrait aujourd'hui ici. Il vit ici. Hein. Quelle sorte de gars que c'est ça. Mais dans le temps, dans son temps, c'était... Hérédétique, effectivement. Des quoi? Hérédétique. Éthique. Il est vite, puis l'éthique est revenu. Ah, OK. Ça va venir aujourd'hui. Bon. Puis Moïse, il faudrait qu'on lui explique... Je parle à lui, mais il y en a plusieurs. Tous ceux qui enseignaient dans leur temps. Ah, à l'époque, il enseignait plein l'eau. Pas qu'il les saignait. Il les saigne pas. Ah, il saignait les animaux. Non, ils font ça. Dans un pays, encore, pour leur rééducation, ils enseignent. En bonne fin de semaine.